nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toi qui as été licencié abusivement de ton travail, et on te doit des millions et des millions. Ton dossier est en justice. Mais laisse-moi te dire, tu dois te confier plus à l'Éternel. Parce que, oui, ton employé, il est fort. Mais toi, tu as un plus fort, c'est Jésus de Nazareth. Lui, il est ton avocat. Il va plaider pour toi. Tu vas continuer à intercéder jusqu'à ce que tu vas remporter la victoire. Et tu seras... Tu entreras dans tes droits. Laisse-moi te dire, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu témoigneras de la puissance de Dieu. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Notre passage du jour, c'est Éphésiens 6, 5 à 9. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec vous. Lisons Éphésiens 6, 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne les devoirs des serviteurs. Quand on parle de serviteurs, c'est de manière générale, c'est-à-dire les travailleurs. Quand tu travailles quelque part, hein, tu es peut-être un employé, hein, tu es peut-être chauffeur de taxi, tu es peut-être servante, tu es peut-être chauffeur. Tu es un travailleur quelque part, tu es un employé, tu es serviteur. Et surtout si tu es chrétien, cette parole te concerne. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Tu dois obéir à tes maîtres, c'est-à-dire à tes chefs. Est-ce que tu comprends? Mon ami, je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Écoute-moi bien. Un chrétien devrait être un travailleur modèle. Regarde ce dernier temps. Tu es toujours en retard au travail. Et si maintenant on prend des sanctions contre toi, tu vas dire qu'on ne t'aime pas. Alors que tu devrais être modèle. Tu négliges trop le travail. Regarde, tu ignores même les règlements intérieurs. Ton maître, il est bon. Il y a longtemps qu'on t'aurait chassé de travail parce que tu as commis beaucoup de fautes lourdes. Ce n'est pas bon pour un chrétien. On dit, serviteur, obéissez à vos maîtres. Selon la chair, c'est-à-dire les maîtres, même s'ils ne sont pas chrétiens. Vous voyez? À combien plus forte raison les maîtres qui sont des chrétiens? Lorsque tu as un chef qui est chrétien, il ne faut pas en abuser. Il faut faire correctement ton travail. On dit, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Vous voyez? On dit, comment le faire? Avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, tu le fais vraiment de manière correcte. Tu prends au sérieux ton travail. Deuxièmement, tu le fais dans la simplicité. Vous voyez? Il ne faut pas le faire par contrainte. Dans la simplicité, tu obéis. Il ne faut pas toujours te sentir contraint de faire cela. Il faut que tu fasses dans la simplicité. Tu prends ton travail que vraiment c'est une occasion, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Et puis troisièmement, dit comme à Christ. Vous voyez? Ça c'est important. Oui, tu le fais comme si tu le faisais à Christ. Parce que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. deuxième responsabilité de serviteur, c'est de servir le maître. Vous voyez, il est dit au verset 6, « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-les, verset 7, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. » Servir ton maître, servir ton patron, sois serviable, mon ami. Nous voyons des exemples dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, dans Josué chapitre 1, on dit « Josué serviteur de Moïse ». Cette expression sert à montrer que Josué servait Dieu, mais il servait Dieu à travers Moïse. Comme Dieu, on ne le voit pas. Nous servons à travers les hommes à qui nous sommes soumis. Je vais parler à quelqu'un. Tu vois, ton problème, c'est le manque de soumission. C'est pourquoi ton profil de carrière est bloqué depuis longtemps. Tu es très gonflé. Mon ami, tu parles de, souvent de tes diplômes. Non, d'ailleurs, mon chef là, la place qu'il occupe là, il ne mérite pas. Lui, il a quel diplôme? Mon ami, j'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, les postes que les gens occupent, ce n'est pas toujours en fonction de leur diplôme. Parfois, ce sont des grâces divines. Tu peux avoir de gros diplômes. Mais si vraiment Dieu ne t'accorde pas la grâce là, tu ne vas pas accéder à un poste de responsabilité. Sois humble. Le chef que tu es en train de mépriser là, c'est lui qui peut te pistonner. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui peut te pistonner. C'est toi qui devrais même faire l'intérim du directeur, mon ami. Mais parce que tu te comportes mal, c'est pourquoi on ne peut pas te donner cet intérim là. Tu compromets ta carrière. Tu passes tout le temps en train de comploter, de réunir les personnels pour savoir comment faire partir les chefs. Mais quand il va découvrir cela, tu auras des problèmes. Et sache que les réunions que tu fais là, avec les autres, pour tu complotes pour faire partir ton chef là. Il y a parmi vous là, les gens qui lui font, qui lui rendent compte. Tu vois les problèmes que tu as? Donc il faut cesser. Il faut cesser avec la rébellion. Il faut que tu puisses servir ton maître, comme si tu servais le Seigneur. Et la Bible dit que, sachant que chacun recevra sa récompense. Donc, le travail que nous faisons, nous devrons le considérer comme un ministère, comme une vocation. Quand on parle de servir Dieu là, il ne faut pas seulement voir servir dans l'église comme diacre, comme ancien, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. Mais nous devons aussi voir une autre dimension du service, c'est le travail. Là où tu travailles, je parle à quelqu'un, tu travailles dans un restaurant, tu travailles comme réceptionniste dans un hôtel. Ma sœur, prends au sérieux le travail qu'on te donne. Prends au sérieux. Tu es trop négligente. Je vais parler à une sœur, tu es secrétaire, regarde. Lorsque les gens appellent au téléphone, tu réponds très mal. Le rendez-vous de ton patron, tu n'organises pas très bien. Ma sœur, prends au sérieux ton travail. Il faut que tu apprennes à bien parler au téléphone quand tu reçois les appels. Sachant que ce que tu fais là, non seulement que c'est ton patron qui va te récompenser, mais Dieu même, lorsqu'il voit que tu fais ton travail correctement, il va te récompenser. Il est dit au verset 8, « Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Deuxième vérité, il s'agit de la responsabilité de maître. Quand on parle de maître, il s'agit de patron. Vous savez, chacun de nous, je peux être patron de quelqu'un, mais j'ai aussi des patrons qui sont au-dessus de moi. Je peux être directeur général, mais j'ai aussi un conseil d'administration qui est au-dessus de moi. Je peux être ministre, mais j'ai aussi le premier ministre. Je peux être premier ministre, j'ai le président de la République. Je peux être commandant, mais j'ai le ministre de l'Intérieur, ainsi de suite. Vous voyez, donc chacun de nous, nous pouvons être patron, mais nous avons aussi nos supérieurs. Alors, quel est le devoir du supérieur? On dit, abstenez-vous des menaces. Vous savez, il y a des gens qui gouvernent par menaces. Tout le temps, vous ne faites que menacer. Toi, je vais te renvoyer. Toi, je vais te faire partir. Toi, c'est moi qui suis le chef. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Jésus, en tant que maître, il ne menaçait pas les disciples en tout le temps. Mais il gouvernait avec amour. Ce n'est pas bon. Je vais parler à un chef d'entreprise. Regarde bien. Pourquoi menaces-tu cette jeune fille? Tu cherches à sortir avec pour que tu puisses garder. Hein? Elle a fini son stage. Tu es en train de tergiverser. Ce n'est pas bon, mon frère. Ce que tu fais là. Tu uses des menaces. Il y a beaucoup d'attitudes que font les patrons qui ne glorifient pas le Seigneur. Des injustices, des harcèlements sexuels, licenciements abusifs, blocage injustifié de salaire. Tous ces comportements n'honorent pas le Seigneur. Si tu fais cela, sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi, qui est aussi ton patron. Et lorsque tu eus d'injustice, un jour le Seigneur, il peut faire en sorte que même ton entreprise puisse tomber en faillite. Sois correct, sois juste dans la manière de traiter tes subalternes, tes employés. Voyez, il est dit ici au verset 9, « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. » C'est-à-dire, il y a un maître à nous tous. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Le chef des chefs. Le président des présidents. C'est Jésus de Nazareth. Donc nous tous, nous aurons des comptes à rendre sur la manière de gérer les ressources humaines. Sur la manière de gérer ceux qui sont sous notre responsabilité. On dit, votre maître, leur maître et le vôtre est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Dieu n'est pas injuste. Lorsque nous dirigeons, lorsque nous gouvernons, nous devons le faire de la manière la plus juste que cela soit. Cela veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'injustice. Traiter tous les travailleurs de la même manière. Si quelqu'un mérite d'être nommé à un poste supérieur, il faut qu'il le mérite. Si quelqu'un mérite qu'on lui donne une prime spéciale de responsabilité ou bien de rendement, il faut qu'il le mérite. Vous voyez, oh que Dieu nous aide. Nous voulons le Dieu merci. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Il est le Dieu merveilleux. Il est digne de louange. Nous allons chanter pour lui ces cantiques, pour son honneur, pour sa gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais. tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Alléluia. Élève ta voix, dis-lui merci. Si tu as un travail, commence à bénir le Seigneur. Il t'a donné du travail. Si tu es chef d'entreprise, tu vas lui dire merci pour l'entreprise qu'il va donner, pour les postes que tu occupes. C'est la grâce de Dieu. Bénissons tous ensemble l'Éternel. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sois béni, toi, le Dieu très haut, le Dieu digne de louange. Ton règne subsiste de génération en génération. C'est pourquoi nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions, notre Dieu, notre Seigneur, toi, le Dieu tout-puissant. Reçois l'honneur en ce moment. Toi, le Dieu qui relève ceux qui tombent, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Oui, ta parole nous dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Merci de ce que c'est toi, le Dieu qui relève, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui restaure. C'est pourquoi nous te bénissons, ô notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu vivant, le seul capable de restaurer. Nous bénissons ton nom, ô notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, notre Père. Nous voulons te prier en ce moment de nous aider à être humbles. Merci de soutenir tous ceux qui sont à toi, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous te bénissons et nous te louons, notre Père et notre Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, ça veut dire Opération S sur B, brèche. Nous nous tenons à la brèche, c'est-à-dire nous prions, oui, chaque matin, à 5 heures, temps universel, parce que nous croyons que c'est dans la prière que nous pouvons trouver les solutions à nos problèmes. Et si vous avez un témoignage, où que vous soyez, de cette émission, veuillez nous contacter pour que nous puissions entendre ce que le Seigneur fait dans votre vie. Nous prions selon les Écritures et notre passage du jour, c'est Éphésiens 6, 5 à 9. Pour ceux qui sont loin de la Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, vous pouvez réécouter cette émission sur le site web suivant www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir dans ce passage que les serviteurs doivent obéir à leur maître. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Nous allons prier Dans nos milieux chrétiens, il y a beaucoup de gens qui négligent leur travail. Demandons pardon au Seigneur et prions pour que nous puissions prendre au sérieux notre travail et que nous puissions obéir à nos maîtres dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tendre Père, qu'il est beau de te louer, qu'il est beau de célébrer ton nom. Toi qui es le Très-Haut, annoncer dès le matin ta bonté, ta fidélité pendant nos nuits est un privilège et une grâce pour nous. Chanter en ton honneur des cantiques nous procure la paix. Ce matin, ô Père éternel, nous te remercions pour la vie des frères et des sœurs qui ont un emploi, que tu as béni avec un emploi. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que tous les travailleurs puissent être sérieux dans ce qu'ils entreprennent, qu'ils puissent être des dignes représentants du royaume de Dieu dans leur lieu de travail. C'est pourquoi nous prions au Père éternel pour le respect de leurs responsables, pour le respect de leurs autorités au niveau du travail, quelle que soit la nature du travail, que ce soit un travail séculier ou bien au niveau du ministère, qu'ils puissent prendre cela au sérieux. Nous prions au Père éternel pour le respect de la hiérarchie et pour l'avancement du travail. C'est pourquoi nous nous élevons contre toute forme de sabotage, contre toute forme de paresse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous demandons que ta grâce se manifeste dans la vie de nos sœurs et de nos frères qui travaillent. Que toute forme, ô Père éternel, de lourdeur dans ce qu'ils entreprennent soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'assiduité, nous prions pour la régularité, nous prions pour la ponctualité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Oui, nous allons prier pour nos patrons. Peut-être que tu as un patron qui est difficile. Il y a des avantages qui sont bloqués. Tu attends peut-être une nomination. Tu travailles dur, mais on ne te donne pas les primes qu'on t'a promis. Tu vas prier pour ton patron. Prie pour que Dieu incline son cœur. La Bible nous dit que Dieu incline le cœur du roi comme un courant d'eau où il veut. Peut-être que tu as une relation conflictueuse avec ton chef. Prie l'Éternel pour que vraiment toutes les zones d'ombre soient levées et que ces conflits soient réglés et que vous soyez en bon terme, en bonne intelligence pour que vraiment tous les avantages-là vous soient donnés au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Nous voulons te remercier ce matin parce qu'il t'a plu de donner le travail à tes enfants dans des entreprises, dans des ministères, partout où ils doivent briller comme la lumière. Mais malheureusement, ils ont des patrons qui sont insensibles à leur volonté, à leur promotion. Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, Dieu sensible qui nous écoutent, parce que tu as les oreilles pour nous entendre, les yeux et tu vois, les mains pour nous serrer dans tes bras. Nous prions que les cœurs soient touchés, les pensées, les désirs des responsables premiers de tes enfants. Rends leur cœur sensible afin qu'ils aient compassion, qu'ils observent, qu'ils donnent des bonnes notes et par eux, tes enfants soient notés correctement, puissent avoir la promotion, puissent avoir l'élévation, le déblocage des salaires, des primes et la promotion dans leur service qui peut les encourager. Nous prions, Seigneur, parce que le cœur de tout homme sur cette terre, surtout ceux qui sont élevés, se trouve dans tes mains comme un courant d'eau et tu les orientes où tu veux. Qui ne bloque pas l'avancement de tes enfants. Au nom de Jésus ce matin, nous prophétisons l'élévation. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour les patrons qui harcèlent, qui commettent des injustices, qui menacent. Nous allons prier pour eux. Priez le Seigneur. Si tu as un patron peut-être qui ne connaît pas Jésus, prie pour lui, afin qu'il connaisse le Seigneur. La plupart des chefs, il y a ceux qui recourent au mysticisme, à l'occultisme. Il faut avoir compassion d'eux. Priez le Seigneur pour que vraiment ils puissent rencontrer le Seigneur. Priez pour qu'ils ne soient pas utilisés par l'ennemi pour te faire du mal au nom de Jésus-Christ. Priez pour que réellement ils puissent reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et que nous tous nous puissions savoir qu'il est notre maître à tous. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Grand Dieu, que ton nom soit loué ce matin. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous magnifions ton nom parce que tu nous as fait grâce d'avoir du travail. Et nous voulons ce matin te recommander encore une fois de plus nos chefs et nos patrons hiérarchiques. Nous prions pour que papa, toi seul, tu leur donnes d'être des hommes de bon sens. Tu leur donnes de craindre l'Éternel. Souvent parmi eux, beaucoup et beaucoup et beaucoup, beaucoup, Seigneur, comptent sur leurs fétiches. Beaucoup comptent sur leurs gris-gris. Beaucoup sont des spirites. Je prie ce matin. La Bible dit que l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Que tous ceux qui ont les patrons méchants qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ce matin, par cette prière, par ce temps de prière, inclinent leurs jambes, leur cœur pour élever la voix vers leur patron. Je prie que tu les exauces, que tu inclines le cœur de ces patrons, de ces chefs à accepter Christ, à connaître Christ, car tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Je proclame maintenant que l'orgueil soit abaissé, que tu utilises tes enfants pour que la sagesse et l'intelligence et que la manière d'utiliser tes enfants qui sont dans ces services et dans ces ministères leur donne d'avoir un regard favorable à tous les chrétiens, à tous ceux qui te craignent et que eux aussi cela leur interpelle pour devenir des enfants de Dieu, des chrétiens. Béni sois-tu pour ton amour que tu manifestes. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction que tu déverses, merci pour l'élévation, merci pour les postes que tu donnes à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain à la même heure, à la même chaîne. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.